Chapitre 4. La libération des sucs gastriques stimulant les cerveaux. Les quatre hommes firent assaut d'hypothèses et de théories diverses. Le maire demanda d'abord à l'ancien s'il avait recueilli quelques informations intéressantes. « Pas grand-chose, » répondit le vieux. « La femme est partie pour récupérer les bêtes et personne ne sait ce qu'elle a dû faire après. Il n'est pas passé grand monde sur la route hier. Deux ou trois marchands vers l'Italie. On a vu aussi un moine qui cheminait à pied. « Pas de cavalier ?» interrogea Gouin. « Que nenni ! On a vu que les mules des marchands. Et puis la colporteuse qui termine ses affaires avant l'hiver. « C'est vrai, » intervint Mathilde, depuis le Cantou. « Je lui ai acheté une casserole, une louche et des boutons. « Bof, autant dire personne alors, » conclut le maire. En attaquant les caillettes en entrée, le docteur revint sur l'affaire. « Je persiste à croire que le seul point qui guide l'assassin dans le choix de ses victimes, c'est leur état de femme enceinte et rien d'autre. « Vous voulez dire qu'il les choisit au hasard, docteur ?»« Non, pas vraiment au hasard, puisqu'il faut qu'elles soient enceintes. » Mais dès qu'il entrevue une esselée, il s'en empare sans témoin et lui fait son affaire. Jusque-là, je vous suis, docteur, mais pourquoi les transporter dans une église, à l'hôtel de la Vierge, les fleurir, enfin bref, les honorer d'une certaine façon? Le père Dumazel prit la parole. J'ai vu le père Coste peu après la mort de la fille de l'Arche. Je partage son avis. Qui dit que, demanda l'ancien, que l'assassin regrette son forfait et qu'il veut consacrer sa victime à la Vierge Marie en expiation de sa faute. Il faut considérer cela comme une espèce de sacrifice qu'il fait à la mère du Seigneur. « C'est un fou, » laissa tomber l'ancien. « Bien sûr, mais je vous rappelle que les fous ont toujours une logique et les assassins toujours immobiles, » précisa le docteur. « Si c'est un ancien soldat, surtout s'il a fait Solferino, ça lui a peut-être dérangé l'entendement. Pareil qu'il y avait de quoi. » Il y en a même un qui a créé une organisation pour venir en aide aux blessés. C'est un de vos confrères, docteur ? Non, c'est un banquier, mais son geste est plus que louable. C'est Dieu qui l'a inspiré, c'est certain, affirma le prêtre. On m'a dit qu'il était très croyant. La conversation tomba et on en profita pour attaquer les raviolis, car l'homme est ainsi fait que la tristesse ne lui coupe pas forcément l'appétit. Au bout d'un moment, Mathilde, la femme du maire, osa proposer une opinion. « Moi, ce que je vais vous dire est peut-être complètement idiot, mais après tout... Alors voilà. C'est quelqu'un qui a vu souffrir tellement d'hommes et de femmes. Oui, parce qu'il y avait des femmes aussi parmi les morts et les blessés. Et comment tu sais ça, toi ? Bah, ça se dit. Je continue. Donc, il en a tellement vu qu'il se dit qu'il vaut mieux que les enfants ne naissent pas pour voir cette boucherie et cette misère. Et comme il n'a pas le temps de les enterrer, il les remet à la garde de la Vierge Marie qui les accueillera auprès d'elle. Vous remarquerez qu'il les tue sans répandre de sang, ni donner des coups. Il les aime, mais il les tue, conclut-elle. Bois, maugréa l'ancien, ça n'empêche pas que c'est un fou. T'es, Mathilde, tu veux bien me resservir? Ils sont délicieux, tes raviolis. La conversation retomba de nouveau. Puis on changea de sujet. L'annexion de la Savoie échauffait les esprits, et chacun dit la sienne, à part les femmes qui n'avaient pas d'opinion là-dessus. On prit ensuite la goutte pour digérer, et avant de se souhaiter bonne nuit, le docteur attira à lui Augustine, la fille de Gouin. « Quel âge ça te fait maintenant, ma belle ? Dire que je t'ai mise au monde ? J'ai 18 ans, docteur, » répondit fièrement la jeune fille. « Tu es belle comme un cœur, pas de galant ? Non, docteur. » Kerr s'amusait à voir l'embarras d'Augustine. Il continua à la titiller. « Mais tu aimerais bien, hein ? Ben, il n'y aurait pas de mal à ça, non ? Dit-elle en regardant ses parents. « Bien sûr que non !» s'exclama Gouin. « J'ai envie d'avoir des petits-enfants, moi, mais pas avec n'importe qui !»« Au fait, » dit Kerr, sautant du coq à l'âne, « de quelle couleur sont les pantalons des hussards, Gouin, vous le savez ?»« Ils sont bleus, d'un bleu roi, docteur. »« Ah, bien !» répondit-il, songeur.